La lettre de Paul aux Romains, chapitre 5. Et ce matin, on va, pour notre partage, on va travailler deux versets en Romains chapitre 5. Mais finalement, il y a trois autres que je vais mentionner. Mais on va faire deux choses ce matin. On va continuer dans le thème que Jacques nous a lancé depuis l'automne sur la grâce. Et vous allez voir dans le texte que nous allons étudier que la grâce de Dieu se trouve au cœur de ce texte. Mais on va continuer avec le thème de l'action de grâce et considérer les dimensions de la reconnaissance, la gratitude qui se situe dans ce texte, donc par application à nos vies. Donc, avant de lire le texte, prions ensemble. Seigneur, merci pour toutes ces belles gâteries que tu nous donnes et que nous pouvons nous en servir. Merci pour la communion fraternelle et l'échange que nous pouvons avoir entre frères et sœurs. Merci pour tous tes bienfaits à notre égard, surtout pour la communauté. On est tellement reconnaissants. Mais Seigneur, maintenant, nous voulons continuer d'explorer toutes les dimensions de ta grâce. Et Seigneur, nous voulons être reconnaissants pour cette grâce et pour les conséquences de cette grâce dans le train-train de nos vies, même aujourd'hui. Donc, illumine-nous de ce texte par ton esprit et Seigneur, fais en sorte que nous puissions par la suite pratiquer ce que ce texte enseigne. Au nom de Jésus. Amen. Le Romains 5, les versets 1 et 2. Et le texte est assez simple. Et comme vous allez voir, il y a quatre volets de ces deux versets. L'apôtre Paul a écrit ceci. « Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi. » Ça, c'est son premier constat. Deuxième. « Nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. » Troisième constat. Par lui, nous avons eu accès au moyen de la foi à cette grâce ou à ce don gratuit de Dieu dans lequel nous nous trouvons désormais établis. Et quatrième, et notre fierté où nous nous glorifions sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. J'ai trouvé sage ce matin de continuer avec ce que Jacques a dit depuis trois semaines et d'explorer qu'est-ce que Paul dit ici par rapport à ces quatre constats. Le premier constat traite le fait que nous avons été déclarés justes. Le deuxième constat, et ça c'est le verbe central ou la partie centrale de ces deux versets, c'est la paix. Le troisième constat, c'est la grâce. Donc, la grâce, c'est le fondement de la paix. Et le quatrième constat, c'est « on est content ». Donc, nous nous glorifions, ou notre fierté se fonde. Sur quoi? Sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Donc, prenons ces quatre choses, brièvement. Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi. Évidemment, le fait qu'il y a un « puisque », fait référence à tout ce que Paul a dit dans son épître depuis le chapitre 1er, le verset 18, jusqu'à ici. Et quand vous lisez ces trois chapitres et demi, vous vous rendez compte que Paul a commencé dans les chapitres 1, 2 et 3, première partie de 3, de décrire la pitoyable condition de l'humanité. Il décrit cette condition par rapport aux non-juifs et ensuite aux juifs pour terminer avec le fait que nous sommes tous séparés, aliénés dans cette pitoyable condition par rapport à Dieu. Tout le monde est égal par rapport à ça. Mais il tourne Pour ainsi dire, la charnière se trouve en chapitre 3, dans les versets 21 à 28, et surtout dans le chapitre 4, il dit, « Mais il y a de l'espoir. » Et l'espoir se trouve dans le fait que Dieu a fait quelque chose. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ben, ça, c'est le « puisque ». Puisque nous avons été déclarés en raison de notre foi. Donc, le premier concept ici, c'est que il s'agit de la justice. Le fait que nous avons été déclarés justes devant Dieu, malgré cette pitoyable condition. Mais la justification, ou le fait d'être déclaré juste, malgré le fait que c'est un des thèmes le plus important pour Paul, il y a deux volets. Et il faut tenir compte de ce double volet. J'imagine, ben pour nous, c'est un double volet, mais pour Paul, c'était tout mêlé ensemble. D'avoir été déclaré juste a ses racines en Genèse 12. Donc, d'être déclaré juste fait partie de la théologie créationnelle de la Bible. Et déclaré juste en Genèse chapitre 2 veut dire que Dieu veut créer une famille, moi je vais utiliser un grand mot ici, cosmique. Que dès le début de l'histoire de Dieu, dès le début du projet de Dieu, dès le début de ce récit, le but principal de Dieu, c'était de créer une famille cosmique. Parce que l'être humain se trouvait dans une pitoyable condition depuis la chute. Et le remède pour la chute, c'était pour Dieu de reconstituer tout. Donc, il a choisi Abraham et il a dit, « En toi, mon ami, je vais créer cette famille cosmique, cette famille globale, cette famille historique. » Et vous vous souvenez de l'image. Cette famille, il a dit à Abraham, sera plus nombreux que les grains de sable sur la plage. Ça, c'est grand, ça. Ça, c'est grand, ça. Et le texte dit que Abraham a cru dans cette promesse. Et en Genèse 12, et Dieu l'a déclaré juste. Donc, un volet d'être déclaré juste fait partie de cette famille cosmique que Dieu a voulu créer. Maintenant, nous nous trompons lorsque nous pensons que cette famille cosmique est limitée uniquement au peuple juif dans l'Ancien Testament. Et souvent, le peuple juif dans l'Ancien Testament se sont trompés parce qu'ils ont repatrié Dieu pour eux-mêmes. Ils ont dit « Dieu nous appartient, c'est tout ». Et ils se sont égarés. Donc Dieu a reconstitué cette promesse dans la personne de Jésus-Christ pour recréer cette famille cosmique. Mais l'autre volet de la justice ou la justification pour Paul se situe dans le fait qu'on avait besoin d'être restauré de cette pitoyable condition. Donc, quand Paul dit « on était déclaré juste », c'est comme Paul met deux choses ensemble. Il prend le volet historique de Genèse 12, de créer une famille cosmique, et le fait qu'on avait besoin de cet remède contre notre pitoyable condition, et il le met ensemble. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle Paul parle constamment, quand il parle de la justification, de les Juifs et les non-Juifs se trouvent maintenant ensemble, et leurs péchés sont pardonnés. Et tous les deux ensemble veut dire qu'on est déclaré juste. Donc, évidemment, le langage vient du milieu de la jurisprudence. Et pourquoi pas? Parce que Dieu est fondamentalement juste. Le Dieu de la Bible est un Dieu de justice. Ce qu'il pense, c'est ça qu'il fait. Ce qu'il a fait, c'est à cause qu'il est. Il n'y a pas un Dieu en arrière de Dieu. Le Dieu qui existe est un Dieu qui agit justement. Et il a agi justement envers son désir d'avoir une famille cosmique, mais une famille qui est pardonnée de leurs péchés. Et dans le texte ici, Paul dit, puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi dans la promesse, dans la possibilité du pardon. Et lorsque nous nous confions dans cette bonne nouvelle, Paul dit, le juste juge a dit, OK, that's it. Vous êtes pardonné et vous faites partie de cette famille cosmique. Donc, pour Paul, cette petite phrase résume tout ça. Donc, ce matin, nous pouvons être reconnaissants parce que nous faisons partie de tous ces grains de sable qui se trouvent sur la plage. Donc, ce n'est pas simplement qu'on est dit sauvé ou qu'on est né de nouveau. Mes amis, ça, c'est de minimiser les choses. Ben oui, je suis né de nouveau, je suis très content, mais ce n'est pas ça le projet. Le projet, c'est que dès Genèse 12, Dieu a dit, « Moi, je veux une famille cosmique. Et pour avoir cette famille cosmique, je suis un Dieu juste et moi, je vais vous déclarer juste à cause de ma personne et je vais traiter le pitoyable problème. » Et mes amis, waouh, je peux être reconnaissant pour ça. Donc, le deuxième constat. Et nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, celui qui nous a déclarés justes et nous a invités dans la famille. Donc, d'être déclaré juste, ce n'est pas la condition pour entrer dans la famille cosmique. Dieu est la raison pour laquelle on est là-dedans. Une fois là-dedans, Dieu dit, « Maintenant, vous avez la paix. » Et la paix était nécessaire à cause de cette pitoyable condition dans laquelle on s'est trouvé. Paul va le développer davantage dans ce chapitre. Regardez le verset 6. « En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force. » Verset 8. Alors que nous étions encore des pécheurs. Verset 10. Alors lorsque nous étions ses ennemis. Donc, sans force, pécheurs, ennemis. Ça, c'est la pitoyable condition. Mais maintenant, nous sommes en paix avec Dieu. Nous sommes ses amis. Et vous voyez l'équilibre ici. Le déclaré juste vient du milieu jurisprudence. Paix, ami, vient du milieu familial. Et Dieu nous a déclaré juste pour avoir la double chose de la famille cosmique et le pardon. Et maintenant, nous sommes en paix avec Dieu. Mais lorsqu'on voit le mot paix ici, n'oubliez pas, Paul est profondément juif. Donc pour lui, ça c'est le shalom. Le fait que nous sommes en paix, pas simplement une belle émotion que je vis parce que Dieu m'aime. Non, non. Le fait que maintenant je suis en paix avec vous. Je suis en paix avec le monde. Je suis en paix avec Dieu. Je suis en paix avec mon épouse et ma famille. Que Dieu crée la possibilité d'avoir cette harmonie, cette plénitude, cette complémentarité, même avec la création. Donc, quand Paul dit « nous sommes en paix avec lui », Paul dit « vous êtes dans un état de shalom, de plénitude, de harmonie, de complémentarité ». Et dans l'Ancien Testament, quand les auteurs de l'Ancien Testament utilisent le mot « shalom », deux tiers des fois, c'est sur le plan interpersonnel. Donc, lorsque nous sommes en paix, Paul dit « et vous voyez, vous êtes dans la famille cosmique maintenant ». Et la paix, oui, c'est avec moi, mais c'est aussi avec tout le monde. Donc, justification, paix. Ensuite, et nous avons, troisième constat, verset 2, par lui, nous avons eu accès au moyen de la foi à cette grâce dans laquelle nous nous trouvons désormais établis. Donc le troisième, c'est le mot grâce. Dans ma bibliothèque au bureau, j'ai plusieurs encyclopédies et dictionnaires théologiques. Et en me préparant, j'ai sorti certains de ces dictionnaires pour relire les explications, si vous voulez, sur la grâce. Dans ma bibliothèque, il y a un livre et l'entrée sur la grâce est de 45 pages. Et rendu à peu près page 15, j'ai dit, quelle belle façon de tuer une si belle vérité. J'ai dit, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de bon sens. Et donc j'ai remis le livre dans sa place et j'ai dit, OK, qu'est-ce que c'est la grâce? Ben, oui, c'est vrai, la grâce est un don gratuit. Ça, c'est vrai. Mais la grâce est beaucoup plus qu'un don gratuit. Ce matin, plusieurs d'entre vous avaient apporté ces belles gâteries. Oui, c'était une grâce de votre part. Mais la grâce est plus qu'un don. Parce que la grâce veut dire aussi que c'est un don non mérité. Et pour vous qui avez apporté les gâteries aujourd'hui, c'est vrai, personne ne méritait ces choses. Donc, oui, un don non mérité. Mais si moi je comprends bien la grâce est un don non mérité, même accordé lorsque le bénéficiaire agit d'une manière de ne pas mériter le don. Donc, si c'est comme lorsque, je vais utiliser ma femme comme exemple, elle a apporté un demi-tarte de citrouille ce matin. Oui, elle a mangé un tout petit peu en venant, mais en tout cas, ça c'est entre toi et moi. Oui. En tout cas, règle ça avec elle. Mais la grâce veut dire que Sandy l'a apporté, un don, non mérité parce que personne ne nous a appelé cette semaine pour commander un tarte de citrouille. Oui. Mais disons que quelqu'un prenait la tarte de citrouille et il a dit, ah, la maudite tarte de citrouille, et jetait à terre. La grâce veut dire que Sandy aurait pris la tarte et avec la crème fouettée ou avec la crème glacée, elle aurait redonné, oui, oui, mijoté ensemble, elle aurait redonné à la personne. Il me semble que c'est ça la grâce. Phil Yancey, lorsque lui, il a écrit sur le sujet, dans son livre sur la grâce, oui, mais en français, c'est quoi? Éveil à la grâce? Non. Non, en tout cas, oui, je me souviens du titre en anglais, mais le titre en français m'échappe. En tout cas, mais lui, il touché par la grâce, voilà. Lui, il a dit quelque chose d'incroyable sur la grâce. Il dit que la grâce veut dire qu'il n'y a absolument rien que moi je peux faire pour que Dieu m'aime plus. Jacques a déjà commencé de développer cette idée. Mes amis, ça veut dire que je ne peux pas assister l'Église assez régulièrement pour que Dieu m'aime plus. Je ne peux pas lire un autre chapitre de la Bible tous les jours pour que Dieu me regarde et dise, hey, t'es bien beau, toi. Je ne peux pas développer plus de connaissances pour que Dieu dise, hey, Glenn, t'es pas mal smart, toi. Ah, oh, je t'aime. Je ne peux pas être plus allé pour quelque chose pour que Dieu dise, OK, maintenant, t'es dedans. Non, la grâce veut dire que Dieu nous aime. Et même quand j'agis Contraire à cela, Dieu dit, Glenn, je t'aime. Mais ensuite, Yancy a ajouté quelque chose qui a révolutionné ma façon de comprendre la grâce, malgré les pages dans mes dictionnaires théologiques. Mais il a ajouté ceci. Et il n'y a rien que je peux faire que Dieu m'aime moins. J'ai un couple d'amis dans ma vie. Ce sont des bons amis. Mais ils luttent avec des... Ils ont des graves problèmes par rapport à leur sexualité. Et leur grand dilemme, quand ils me rencontrent, c'est qu'ils disent, « Oh, Dieu doit être très déçu avec moi. » Et moi, je les regarde et je dis, « Dieu n'aime pas ce que tu fais, mais Dieu ne t'aime pas moins. » Mes amis, ça c'est la grâce. Donc, pensez les gens qui sont profondément racistes, ou les gens qui sont prétentieux au plus haut point, ou les gens qui sont les victimes de la pornographie ou de l'adultère, même ceux qui commettent les crimes les plus pernicieux. Le Dieu de la grâce ne nous évalue pas ni par ce qu'on fait, ni par ce qu'on ne fait pas. Il nous aime. Maintenant, je dois créer une petite parenthèse. Et la parenthèse est la suivante. Si je comprends bien la grâce, il y a une discipline aussi dans la grâce. Parce que la grâce n'est pas la liberté de faire ce que je veux, quand je veux, comment je veux. Parce que Dieu m'aime et parce que Dieu m'a déclaré juste, m'a accordé sa paix, il m'a introduit, il m'a donné accès. Vous voyez le troisième constat? L'idée ici de l'accès, c'est l'image d'un cadre d'une porte. Donc, lorsque nous sommes entrés ici dans l'église, dans le bâtiment ce matin, on a dû passer par la porte ici. Je ne sais, pense pas que la porte en arrière est ouverte. Oui, oui, ça fonctionne. OK, on a dû, mais on n'est pas descendu par le plafond. Mais donc, l'accès au bâtiment, c'est par la porte. L'accès dans la relation avec Dieu, c'est par la grâce. Mais une fois que je suis dans la grâce, il y a, et mon expression, c'est qu'il y a une discipline, une pratique. Mais même dans cette pratique, il n'y a rien que je peux faire pour que Dieu m'aime plus. Et il n'y a rien que je peux faire que Dieu m'aime moins. Mais mes amis, quand je fais les choses que Dieu n'aime pas, il y a une discipline. Dieu me façonne. Dieu me purifie. Parce qu'il veut que ceux qui sont les bénéficiaires de sa grâce, ceux qui ont été déclarés justes et fait partie de la famille cosmique et ont vécu le pardon, ceux qui se trouvent dans sa shalom, il veut qu'on agisse conformément à cette grâce. OK, fini ma parenthèse. Qui nous amène donc à la quatrième chose? Donc, et pourquoi cette fin de semaine? Pourquoi ne serais-je pas reconnaissant pour ce que Dieu m'a accordé? Pourquoi ne pas arrêter et dire, hey, « Wow! Cette grâce où Dieu m'aime inconditionnellement. » Et de ne pas dire, « Hey Dieu, wow! » Donc, la quatrième chose. Et maintenant, Paul, il se perd dans ses mots. Et dans mon édition, ça dit, « Et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. » Dans ton édition, qu'est-ce que ça dit? « Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Vous voyez, on dit, qu'est-ce que Paul dit ici? « Nous nous glorifions, donc notre fierté. » Moi, je dis, et Dieu sourit. Et Dieu veut qu'on passe à la fête, que nous avons une espérance. Et la gloire de Dieu, c'est la personne de Dieu. Donc, c'est comme Paul dit, basé sur la justification, la réconciliation et la paix et la grâce, on passe à la fête. Et nous nous glorifions. Notre fierté se fonde dans cette espérance d'avoir part dans la gloire de Dieu, qui est synonyme pour sa personne, son projet. Donc, ce matin, nous allons prendre la Sainte-Cène ensemble. Et je suis tellement content que Jacques a suggéré qu'on le fait ce matin. Parce que j'ai l'air d'être une musicien, un magicien. Hein? C'est, nous avons, oui, le lapin. mais nous avons une occasion en communauté que nous faisons partie de cette famille cosmique, que notre pitoyable condition a été complètement effacée, que nous sommes les récipientes de cette grâce. Nous nous trouvons maintenant en paix avec Dieu, avec les uns les autres, avec la création. Et Dieu nous invite à la table. Mais on va remercier Dieu tout d'abord qu'il est mort et ressuscité et assis maintenant à la droite de Dieu pour nous tous. Et en distribuant les éléments ce matin, je veux vous donner l'occasion juste de dire peut-être une chose, deux choses, une pensée, une raison pour laquelle vous êtes reconnaissant pour la grâce de Dieu. Donc, je vais prier et ensuite, Anne va rompre le pain. Prions. Seigneur, merci que tu nous as déclarés justes, que nous faisons maintenant partie de cette famille cosmique, que toi, le juste juge, a dit que je fais partie de ta famille. Merci que tu nous as pardonné, accordé cette paix. Et tout cela, c'est à cause de ta grâce. Donc, Seigneur, nous nous glorifions en toi. Amen. En conclusion, juste retournez au texte de seconde. Le texte dit que nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Donc, évidemment, d'avoir été déclaré juste, d'avoir la paix, la shalom de Dieu, que nous avons eu accès à la grâce de Dieu. Mais cette espérance est aussi pour l'avenir. Nous avons l'espérance aujourd'hui, mais d'avoir pris les éléments ce matin nous rappelle que tout cela est pour maintenant, mais aussi pour demain. Donc, imaginez que ce matin, nous affirmons quelque chose pour aujourd'hui qui est aussi bien pour l'au-delà. Et nous nous glorifions dans le présent et pour l'au-delà. Mais en me préparant, ça m'a frappé. Regardez comment le verset 3 commence. Mieux encore. Je me suis dit, qu'est-ce qui peut être mieux que la justification, la paix et la grâce? Et même l'espérance pour l'avenir. Et écoutez ce que Paul dit. Nous tirons fierté même dans nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. On revient à l'espérance, à l'au-delà. Notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour, donc sa grâce, dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a donné. Plusieurs d'entre nous passons par les temps difficiles. Et peut-être cette fin de semaine, il est difficile pour vous de dire merci Dieu, d'être reconnaissant. Peut-être vous dites, oh, l'action de grâce, c'est la pire fête de l'année. Et la prochaine s'en vient. Mais ce texte dit que mieux encore, qu'est-ce qui peut être mieux que la justification? Qu'est-ce qui peut être mieux? C'est que Dieu travaille en nous pour que la détresse, la persévérance, l'endurance nous amènent d'être les personnes que Dieu veut que nous soyons, les récipientes de sa grâce tous les jours. Donc, si vous êtes souriante aujourd'hui, il y a des belles raisons pour y être. Si vous vivez les déceptions aujourd'hui, ce texte, et j'espère que la communauté vous comprend et allez vous accompagner. Mais notre espérance se fonde dans le fait que Jésus est mort pour nous. Nous faisons partie de cette famille cosmique. Le pardon est le nôtre. C'est à cause de la grâce de Dieu.